Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com pour le 53e numéro de Sur nos écrans, un numéro qui sera consacré cette semaine au bilan de la saison 2 de iZombie, la série de CW. Je suis Mathieu et vous allez écouter Sur nos écrans consacré au bilan de la saison 2 d'iZombie. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'll be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the street. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then they'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi cette semaine, Arnaud. Salut. Le fidèle supporter de la série dans l'équipe. Le seul. Le seul. Et un guest, on vous l'avait promis dans le dernier numéro du mag, on accueille cette semaine Stéphane. Eh bien bonjour et merci de m'accueillir alors. Ben merci de venir, parce que sinon le pauvre Arnaud, hein, il serait senti bien seul pour parler d'iZombie s'il avait dû nous attendre. Oh mais non, mais je vais les soutenir de tout. Ouais, j'ai plein d'arguments en faveur de la série, donc je vais les soutenir. Alors avant de commencer de parler d'iZombie, est-ce que tu veux profiter pour faire ton petit instant d'auto-promo, Stéphane, ou est-ce qu'on peut te trouver sur les internets si jamais ce que tu dis sur iZombie nous plaît et qu'on a envie d'en savoir plus et de te suivre dans tes écrits? Eh bien, on peut me trouver sur le site Les Plumes Asthmatiques, voilà, et sur Twitter, c'est, allez, je vais donner le mien, c'est Serizitor, voilà. Voilà, donc si vous êtes d'accord ou pas avec Stéphane, voilà, vous savez. Voilà, vous pouvez venir me parler après. Et puis en plus, même si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou même si vous n'avez pas d'avis, juste allez sur Les Plumes Asthmatiques. Oh, c'est gentil, merci. Allez, on va commencer. Est-ce que vous avez regardé, en dehors d'iZombie, on fait notre petit point habituel sur ce qu'on a regardé cette semaine, est-ce que Arnaud, t'as regardé des trucs ou pas? Agent of Shield. Ouais. Et toujours bien ou toujours pas bien? ça va beaucoup mieux parce que comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, ça va mieux qu'il y a 5-6 épisodes où ça commençait à se terminer. Mais Tu veux dire ça a été gênant pendant un moment? Hein. Oui, très gênant. Oh, autant que ça? Oh, j'en pouvais plus. Ouais, Arnaud était gêné, hein. Moi pas trop, mais Arnaud, ouais. Ça tournait en boucle. Mais ça a commencé à bouger depuis 3 épisodes. Mm-hmm. Depuis qu'en fait, on va pas le dire, mais l'histoire avec Daisy, on va dire. Mm-hmm. Et ça commence à bouger et j'ai beaucoup aimé le dernier épisode. Mais il est un peu facile quand même. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de facilité. Mais on passe quand même un bon moment. Oui. Dans l'ensemble. Après, on va pas aller dans les détails puisqu'on n'est pas là pour en parler, mais dans l'ensemble, la série commence à remonter la pente et ça fait du bien. Bah ouais, il y a qu'il ne reste plus que deux. Oui, voilà, ils ont tout fait, ils ont fait en sorte que la tension soit au maximum pour le final, le double final de mardi soir, quoi. Et ça va être juste trop bien. J'ai envie de dire comme chaque année, hein, on va décrocher notre mâchoire sur le final, voilà. Oh ben j'espère, tu vois. Est-ce que tu as regardé autre chose, Arnaud? Est-ce que tu es à jour sur autre chose? J'ai abandonné Arrow, j'ai abandonné This is the Legend of Tomorrow, j'ai abandonné Supergirl, John Carter a fini depuis longtemps, et... Bah, il reste plus que Flash, alors. Flash, oui, je l'avais oublié tellement ça m'emmerde. Bah voilà, ça m'emmerde depuis quelques épisodes. J'ai toute l'intrigue autour de Zoom, traîne trop en longueur, et ils ont fait beaucoup de conneries sur les révélations sur le personnage, sans parler des incohérences qu'il y a avec le personnage. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat qu'on aura. On va pas se mentir, on va profiter pour teaser un petit peu les bilans de saison. On va pas se mentir, Flash, il y a un point de crispation dans l'équipe autour de la série. Oui. Y a des... Notamment avec cet épisode sur. Pas forcément sur des désaccords ou quoi que ce soit, mais voilà, il y a. Et moi, l'épisode de Kevin Smith, les trois quarts du temps m'a emmerdé. Alors que moi, je l'ai adoré. Oui, il y a une différence au niveau de la réalisation, de la palette graphique et tout ça, parce que on sent qu'il y a un vrai réalisateur de cinéma derrière, et du coup, il a voulu faire son petit film, bon, même si je suis pas toujours d'accord avec ce genre de proposition. Mais on sent quand même qu'il y a un peu du mieux, surtout au niveau de l'acting. Pour une fois, j'ai pas eu envie de claquer la gueule d'Agris. Elle est supportable dans cet épisode. Donc, comme quoi, même les plus mauvais acteurs ou mauvaises actrices, quand elles sont bien dirigées, elles sont supportables, mais quand même niveau du scénario, et ça c'est pas la faute de Kevin, je vais dire Kevin Smith, de Kevin Smith, c'est pas de sa faute le scénario, mais ça, j'ai des points de désaccord là-dessus, notamment avec toi, on en parlera plus. De toute façon, Kevin Smith a dit hein, qu'il n'était pas d'accord, que voilà, lui il voulait réaliser Flash et pas l'écrire, et que pour Arrow par contre il voulait bien l'écrire mais surtout pas réaliser. Bah s'il pouvait l'améliorer, ce serait bien, parce que Arrow... Quoi d'autre? On a encore Fear the Walking Dead. J'ai raté le dernier épisode. Je veux pas regarder la saison 2. Donc voilà, non, y a rien d'autre. Je suis à jour, je fais la même chose que toi. Et puis on va faire les bilans bientôt, de toute façon. Ça. Allez, iZombie donc. Combien d'épisodes sur cette saison 2 d'iZombie? J'ai pas regardé. 19, ouais. 19. Donc je me suis arrêté à la mi-saison, hein, comme je l'avais dit lors du bilan de mi-saison. Je n'ai rien regardé depuis, mais j'ai quand même suivi la série d'un œil distrait, notamment via les articles, les teasers et compagnie. Donc voilà, je sais grosso modo un peu vers où ça va. Un avis global d'abord sur cette saison dans son ensemble. Allez, honneur aux invités, Stéphane. Eh bien alors, ben moi j'ai beaucoup aimé. C'est la confirmation de la bonne impression de la saison 1. Alors, il y a eu les premiers épisodes de la saison 2 ont été compliqués parce que le massacre du Midcut en fait a cristallisé beaucoup de choses et ils ont eu du mal à rebondir. Et une fois la saison lancée vers le 5-6e épisode, pour moi c'est du bonheur quoi. Enfin, c'est drôle, c'est frais, c'est intelligent. Il y a des rebondissements à peu près tous les épisodes. Moi j'ai vraiment adoré et alors, je suis un fan de Véronica Mars, mais je retrouve tous les éléments que j'aimais dans Véronica Mars, je les retrouve dans iZombie. Et donc, c'est du pur Rob Thomas et j'adore. Je suis fan. Et d'ailleurs, ouais. Non, mais voilà, je suis bien content. Non, je suis content de la tournure qu'a pris la série. Et toi, Arnaud, est-ce que tu vas la défendre aussi ce soir? Bah oui, bien sûr, j'ai adoré cette saison 2 et j'étais d'ailleurs le seul à la défendre la dernière fois qu'on en avait parlé, puisque Irish et toi, vous. J'étais pas convaincu par le début de la saison, alors que moi j'étais toujours à fond avec le début de la saison. Mais je dois avouer que j'ai ressenti un ventre mou. Un ventre mou, ouais, littéralement au milieu de saison. Et j'étais un peu ennuyé par certaines intrigues comme Blaine par exemple. J'ai tué trop de twists sur Blaine justement. Mais ça remonte assez vite la pente et la fin de saison est dantesque. Excellent, bah ouais. Et le final prend une nouvelle tournure et un nouveau ton par rapport au reste qui lance. Ça ouvre les perspectives pour la saison 2. De nouvelles perspectives, ah, ouais, qui mais carrément, vont beaucoup oui. changer la ouais. série et moi ça m'excite sur ce qui pourrait se passer dans la saison. On reviendra sur le final en lui-même plus tard, hein, sur la fin de l'émission comme on fait d'habitude. Donc on reviendra sur ce final, donc j'ai dit en fin d'émission. Juste pour parler un petit peu de cette fameuse patte Rob Thomas, Stéphane, c'est toi qui en parlais. Je l'ai ressenti aussi, mais que sur certains épisodes. Et comme c'est ce que j'aimais le plus dans la saison, bah c'est ça aussi qui m'a fait décrocher, parce qu'en dehors du fil rouge qui m'intéressait pas, de l'histoire un peu autour de Blaine notamment, tout ça, ça m'intéressait pas. Il y a quelques épisodes que je retiens quand même, hein, l'épisode de la Wedding Planner notamment, que... J'avais adoré, mais voilà, c'était que par épisode et du coup, ben, c'était pas assez pour me donner envie de la suivre pendant toute l'année, quoi, tout simplement. Et bon, après, ce que vous dites sur la fin de saison, forcément, ça, voilà, parce que je l'ai pas complètement enterré cette série, je sais que je vais la reprendre, mais bon. Il faut, hein, parce que c'est vrai que il y a une montée en puissance, moi, je trouve, sur le dernier tiers de la saison, il se concentre sur quelque chose, enfin. Les intrigues sont resserrées et ils savent où c'est qu'ils vont et ils y vont à 1000 à l'heure et puis pour un final juste explosif et puis c'est pour ça que la série même l'année dernière ça avait été pareil, la saison 1 ça commençait mollement puis ça s'est petit, ouais, voilà, ça se resserre petit à petit une fois que les intrigues commencent à tomber les unes après les autres, les secondaires. Et puis l'épisode final de la saison 1 était aussi extraordinaire, quoi. Mais c'est vrai que la saison 1, je trouve qu'il y a quand même une sorte de chapitre qui se conclut avec cette saison 2. Ben, je trouve quand même qu'ils accélèrent beaucoup de choses et répondent aussi à des questions de la saison 1 tout en ouvrant par la suite. Mais quand même, même s'ils accélèrent le rythme sur la fin de saison, ils gardent toujours cette formule du cas de la semaine. Tout en mélangeant avec le fil rouge qui lui-même s'intensifie de plus en plus. Mais je trouve qu'il prend même le pas sur les derniers épisodes à chaque fois. Sur les derniers épisodes, il y a. Je crois que les trois ou quatre derniers, c'est que le fil rouge, fait que la ouais, plus grosse intrigue. Et puis, le cas de la semaine, il apparaît très peu dans ces derniers épisodes et c'est vraiment cinq scènes dans tout l'épisode. Et le reste, toutes les autres intrigues fil rouge. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander justement à propos de ces cas de la semaine, parce que voilà, c'était aussi un des trucs qui m'avait dérangé dans la première partie, c'est que selon le cas de la semaine, on allait avoir un super épisode ou alors un truc un petit peu difficile à suivre, j'ai envie de dire. Je veux savoir si justement dans cette deuxième moitié de saison, c'était le cas ou pas. Visiblement non, puisque ça a tendance à s'effacer sur la fin de saison. Oui, c'est toujours présent puisque c'est la formule de base de la Ouais. série. Et De toute ça. façon, elle est obligée de manger à un moment donné. Donc, Oui, bah, ça de toute façon, oui. interfère à mon Forcément que cofinancement. c'est lié. Mais oui, après, ils savent qu'ils sont obligés d'en mettre puisque c'est le pouvoir de l'héroïne. Et en plus, ça sert à fidéliser les spectateurs. C'est pour ça qu'au début de la saison, ils avaient laissé de côté les fils rouges pour accentuer les cas de la semaine, parce que justement, tu pouvais sauter dans la saison 2 sans avoir vu la une, et ça permettait d'attirer de nouveaux spectateurs. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et plus tu avances dans la saison, plus tu as fidélisé déjà une partie du public, et du coup, ils ont pu se permettre de mettre les cas de la semaine au second plan pour mettre à profit le développement des personnages et du fil rouge. Alors parlons-en de ce développement des personnages sur la saison complète. Ça vous a convaincu? Quel personnage vous retiendriez comme ça, non? Ravi, j'imagine. Ravi dès la saison 1. Non, mais Ravi, il est juste exceptionnel. La question se pose même pas. Non, ben moi, c'est Liv, hein. Franchement, ses intrigues amoureuses, moi, ne me gonflent pas. Au contraire, je trouve ça très touchant, la façon dont elle essaye de se. On se reconstruire. De se reconstruire après sa rupture, se remettre avec son ex, enfin, de trouver quelqu'un d'autre. Enfin, moi, je trouve ça très, très émouvant, très touchant. Et celle qui grandit le plus, même si je crois que non, Major est pas loin derrière, quand même. Hein. J'ai beaucoup aimé Major dans cette saison, puisque la saison 1, il était un Il peu est, fade. voilà, il est un peu, C'était ouais. le Il était moins Ken, expressif aussi, voilà. quoi, le modèle CW de base. Et ils ont plus creusé le personnage, et c'est aussi en lien avec Avec le fil l'intrigue, rouge. ouais. Il est plus connecté aux autres personnages de par le fil rouge et la fin de saison, forcément. Et du coup, ça a permis de beaucoup améliorer le personnage. Et tous les personnages ont été plus ou moins connectés au fil rouge. Et c'est pour ça que vous savez, s'il y a un personnage que j'ai beaucoup plus aimé dans cette saison, c'est Clive. J'ai trouvé que il était Bah, on Babino. explore, oui, Babino. Oh, le détective. On explore davantage sa vie. Déjà, dans cette saison 2, on lui colle une petite amie. Ouais. Donc, on développe sa vie personnelle. C'est aussi dans cette saison qu'on parle de sa famille. On parle de son passé aussi, C'est vrai. avant d'être détective. On parle plus du personnage. Et c'est quelque chose que j'attendais parce que dans la saison 1, c'était juste le faire valoir qui était là, bah, parce qu'il fallait un inspecteur, parce que c'est une formule à chaud où il y a une enquête à chaque épisode et du coup il nous faut un détective. Et ce que je reprochais au début de la saison 2, c'est qu'il était en total décalage avec le reste des personnages parce que c'était le seul ou l'un des rares Ne pas être impliqué. à ne pas être au courant des zombies. Et finalement, ça m'a un petit peu dérangé au début de la saison, sans doute parce que il était hors du fil rouge et il y avait beaucoup plus d'enquêtes de la semaine au début de la saison. Et au fur et à mesure que le fil rouge se développe et que son intrigue rejoint le fil rouge également, j'ai beaucoup plus apprécié le personnage et ce qu'ils en ont fait. Et j'ai plus du tout ressenti qu'il était mis de côté et j'étais pas dérangé par le fait que ne sache pas pour les zombies. Au contraire, ça apportait une autre dynamique avec les personnages et avec les intrigues. Alors c'est le jeu, hein, des bilans de saison, hein, donc vous avez tout à fait le droit de spoiler pendant cette émission. Justement, la question que je vais vous poser, est-ce qu'il sait maintenant? Il découvre à la fin de saison. Ouais, de D'accord. manière assez violente quand Oui, il le découvre à même. la fin de Je saison. pense que oui, vu comme il est né dans son pays de bisounours et compagnie, oui, je pense qu'il. Et du coup, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que j'ai eu un sentiment de fin de chapitre à la fin de saison. C'est que là, tout le monde, je suis en train de réfléchir, C'est mais tout le monde. tout le monde, oui, tout le monde est au courant pour les D'accord. zombies. Et c'était réfléchi, en fait. C'est pas, ils se sont dit, faut qu'on le fasse le plus tard possible pour qu'il reste encore un personnage qui soit au courant, qui soit le personnage normal, qui soit comme le spectateur, qui soit en dehors des zombies. C'était pas du tout comme ça. Justement, ça, la manière dont, même si la manière dont il le découvre est de manière violente, ça se fait quand même assez naturellement dans le développement de la saison. Et du coup, De toute façon, ça pouvait pas durer plus non. longtemps que ça, parce que sinon il Non, serait non. devenu complètement stupide. Et justement, je suis content que les scénaristes ne l'aient pas fait avant, comme je souhaitais qu'ils le fassent au début de la saison. C'est qu'ils ont réfléchi, en fait. Ils ne se sont pas dit, Ah, tiens, à un moment, ça fait 20 épisodes, ce serait temps qu'ils l'apprennent, quoi. Ils ont réfléchi par rapport à l'intrigue, à quel moment il serait le plus intéressant de le faire. Et j'ai trouvé que ça s'est fait très naturellement et j'étais très content au moment que ça se produit. Mais surtout qu'en plus, tout au long de la saison, enfin, à un moment donné, ils se disputent avec Liv tous les deux. Elle a failli le mettre au courant parce que, voilà, elle voulait continuer à travailler, elle voulait. Et ça semblait prématuré. Mais voilà. Et donc, le fait qu'ils se rabibochent comme ils peuvent et qu'ils l'apprennent au final Plus dans tard. le dernier épisode, non, Mais comme il dit Arnaud, c'était lui-même très se pose réfléchi. des questions, puisque bah déjà, Il y avait l'histoire du cerveau, le cerveau humain au oui, début. il a son histoire, il enquête sur une affaire criminelle qui est liée avec la découverte de cerveau humain dans un réfrigérateur. Donc C'est au forcément, début il de se pose des la saison, ça, questions. De quoi? non? Il me semble que je l'ai vu, ça, c'est au début de la saison. C'est la fin de la Ouais. saison 1 et le début de la 2, Oui, ouais. c'est Ouais. ça. Et ça s'intensifie de plus en plus, il se pose des questions, même s'il parle jamais de zombies, il se pose quand même des questions de cette histoire Du mycute. de mycute et de cerveau humain. Et il se pose quand même des questions par rapport à Liv, c'était quelque chose qui m'intéressait de savoir, hein, parce que quand même, la Oui, quand meuf, même. chaque semaine, elle change de personnalité. Oui. Et je me disais, mais comment il fait, ne pour pas le remarquer? Et ils adressent la question autour du 12e épisode, je crois, il fait une remarque à Ravi et il lui donne une réponse et tu sens qu'il est vraiment pas satisfait de la réponse et que ça lui met encore plus de questions et tu sens que bah forcément il y a des rouages qui se mettent en marche et forcément il va devoir finir par apprendre la vérité et c'est ce qui se produit très naturellement dans le final. Est-ce que tu as un autre personnage, toi, que tu retiens comme ça, Stéphane? En bien ou en mal, d'ailleurs, peut-être un personnage qui a été raté cette saison, c'est possible. Alors moi, alors c'est l'absence de personnages. C'est la famille de Liv. Il y en a deux Oui. que j'attends, je voulais vous poser la question, est-ce qu'ils arrivent ou D'accord. pas? Ben, ils s'en débarrassent en début de saison 2, Ouais. après l'histoire du frère où elle n'avait pas voulu donner du sang ou des organes, je ne sais plus, Du sang, du sang. oui. Et après, ben voilà, Liv, Aucune elle a nouvelle. plus de famille et puis Et nous, on ne sait pas. On ne sait voilà. pas si le frère est vivant ou pas. On ne sait rien du tout. Si, non, mais il était tiré d'affaire, Le frère, je ne me souviens mais pas. après, Et après, oui, il on n'en était parle plus. vivant, oui, à la fin du season 3. D'accord. Ben voilà, moi, je trouve ça dommage. Bon, peut-être qu'ils reviendront dans la saison 3. Hein, c'est peut-être pas définitif, mais je comprends que la famille en veuille à Liv qu'elle n'ait pas voulu aider son frère. Je peux comprendre qu'il soit brouillé, mais Mais elle devrait en parler. Les Ouais. mentionner ou les apercevoir 3 minutes par épisode, Ou moi, ça même, me. je sais pas, qu'elle discute avec Major ou Liv de ce qu'elle ressent par rapport à ça, puisque sa Ben, famille a quand même coupé tous les ponts ouais. avec elle, mais elle n'en parle Bon, jamais. il Elle faut a... dire qu'elle a eu beaucoup de choses à faire à gérer cette année, Liv. Donc, je peux Oui, c'est comprendre que sûr, c'était le mais dernier, c'était pas forcément la chose dont elle avait envie de se jamais elle en soucier, quoi. parle pendant. Ça arrive au début de saison, Ouais. donc en une quinzaine d'épisodes, elle n'en parle jamais. Non. Elle en fait mention une fois, mais c'est pour un mensonge. D'accord. C'est pour ce qu'elle est avec son nouveau petit ami dans sa chambre et t'as Major qui arrive et elle veut pas lui annoncer qu'elle est avec un mec. Du coup, elle lui dit que c'est son frère. Du coup, il s'en va. Et c'est un mensonge. C'est la Oui, seule c'est vrai. mention qui est Oui, faite c'est à son vrai. frère et de sa famille. Hein. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Après, sinon, il y a toujours le personnage de Max Ray. Max Non, il Rider. s'appelle pas Max Ray, c'est Von Duclark, Oui. joué par Steven Weber, et qui est juste, moi je le trouve exceptionnel, quoi. Le gars, il est complètement barjot, et il prend de l'ampleur cette saison. Et tu sens qu'il s'amuse encore Ah plus dans ouais, cette saison, l'acteur s'amuse davantage dans cette et saison. le personnage est juste à mourir de rire, ce qui arrive à la fin de saison, c'est. Franchement, j'ai pris mon pied, donc voilà. Et Blaine, dans tout ça? C'est compliqué, Blaine. Ben, Hein. c'est compliqué, hein. C'est Il déjà arrive compliqué la tellement de première moitié de choses saison, j'ai que. l'impression. Alors, ouais. Il est partout. Ouais, ben oui, ben ouais. Il est avec Peyton parce qu'il lui donne des infos. Il est en compétition avec le dealer de la ville, Mr. Boss. Mr. Boss. Il devient un peu pote avec Ravi. Enfin, Oh, les scènes où il se bagarre avec Ravi sont les. Oh, je que oui. Ravi se bagarre. Ah Ah oui, oh mais oui. oui. Oh, ce sont avec Blaine dans le. Et puis dans le final avec, enfin, non pas dans le final, dans L'épisode d'avant? l'avant-finale. Ouais. Ouais. Ah oui, il se bat cette saison. Ouais, non mais. D'accord. Et Incroyable. il y a aussi pas mal de séquences émotionnelles. Quand il On peut spoiler, Alors, mais j'ai deux, je bah, sais juste trop. avant, je vais poser deux questions, peut-être que ça va y répondre indirectement. Il y a deux personnages du comics que moi j'attendais, que je ne voyais pas venir et que ça m'attristait un petit peu. C'est Spot, le terrier garou, Non. et Ellie, le spectre. Est-ce que l'un des Non, deux oui, personnages rien à aime? dire l'autre. Hein. Non, mais ça restera que zombie, à mon Je avis. pense qu'ils n'iront pas plus loin que les zombies. Bon, d'accord. Donc En plus, ça les concerne pas zombies, ces ils deux trouvent personnages, une. donc allez-y, Les spoiler. zombies, ils lui trouvent une explication scientifique, donc parce que c'est à cause de l'utopium et Oui, ça du je m'en rappelle. mélange Du de la mélange boisson, de la boisson et de l'utopium. ouais. Alors, va expliquer scientifiquement les zombies Et et les les fantômes. fantômes. Non, je pense qu'ils n'iront pas par là. Donc, du coup, tu allais dire concernant les personnages, du coup. Non, c'est Ravi également. Cette saison, il a beaucoup de scènes d'émotion. Et genre, par exemple, quand il découvre un secret, pour rester un peu vague, si jamais des gens veulent continuer comme toi, quand il découvre un secret dans la maison, Ah oui, ça y est. et quand il confronte une personne par rapport à ce secret-là, j'ai trouvé l'acteur vraiment, vraiment très bon. Et je vais pas dire qu'il m'a fait pleurer, loin de là, mais Non, mais enfin, il était l'acteur vraiment est vraiment l'un des des plus, atouts de la l'un des série. plus beaux atouts de la série, oui. Et il a une Peut-être un de ses alchimie termes les avec tous les préférés. personnages, avec tous les acteurs. Bien, Allô? ouais. Ah, je te l'ai dit un peu. Non, non, de toute façon, bah, moi, Ravi, c'était déjà un de mes préférés avant que j'arrête. Ah, mais là, il se révèle encore Ouais. plus, si c'est possible. Bien, les personnages, c'est fait. Le développement de la saison, grosso modo, c'est fait. Est-ce que vous avez quelques petits défauts quand même? Parce que là, depuis tout à l'heure, c'est beaucoup de qualité, beaucoup de qualité. Mais est-ce qu'il y a des défauts? Blaine, c'est à la fois une qualité et un défaut. Comme je disais, il est dans toutes les intrigues. Et du coup, parfois, ça se sent un peu forcé. Notamment le fait qu'il se mette en compétition avec Mr. Boss, qui est le boss De la mafia. de la mafia locale, et qui se mettait en compétition contre lui pour la drogue. C'était un peu. Il a déjà son trafic de cerveau. On lui ajoute un trafic de drogue. On lui ajoute le fait qu'il travaille avec District Attorney, Avec Patton, avec Piétonne pour faire tomber avec Mr. Boss. son ennemi, Mr. Boss. On lui ajoute une intrigue amoureuse. Ouais, ça fait On lui beaucoup. ajoute quoi? Et puis après, il y a toute cette histoire Le vaccin avec le aussi. vaccin que Ravi cherche toujours à avoir. Et du coup, on passe par tellement de choses avec ce C'est vrai qu'en vaccin. 19 épisodes, David Nutter, ça avait beaucoup eu à faire Bah, au niveau il émotion, était quoi. mourant, il est Il est mort, finalement, il est il a revenu à été, la vie. il a été tué, il est revenu zombie, il est redevenu humain, et aux dernières nouvelles, il est toujours Et humain, oui, il est ouais, toujours il est là. toujours resté humain, Et sans mais mémoire. et sans mémoire, bien sûr, j'ai oublié la mémoire effacée. Et j'attends Bien. maintenant juste le running gag, j'attends le moment où il va redevenir zombie. Que d'aventure! Donc, ouais, ils sont peut-être allés un petit peu trop loin avec ce personnage, et surtout cette histoire de vaccin, alors qu'il se passe rien à ce niveau-là avec Major. Ah bah si. Si, il redevient zombie. Ben non. Enfin oui, enfin il prend le vaccin, il redevient humain, et avec des pouvoirs un peu spécifiques pour Oui, repérer il les prend le zombies. vaccin Et au puis début. après, Oui, ça, voilà. c'est la première moitié de saison, je me rappelle. Mais ça, c'est en la fin. Le fait que comment il s'appelle? Que Blaine devienne. Attends, que je me trompe pas. Qu'il devienne humain, qu'il se fasse assassiner, qu'il redevienne zombie et qu'il redevienne humain sans mémoire. Je crois que ça arrive tout ça dans la deuxième partie de saison. Oui. Donc Oui, ça parce que tout s'enchaîne ça, très j'étais pas au rapidement. courant. Tout ça, ouais, donc j'étais pas au courant. Donc oui, S'enchaîne très effectivement. rapidement et du Oui, coup, mais c'est parce qu'aussi le vaccin de Ravi a des problèmes, enfin, je des crois qu'ils problèmes. savent pas trop où aller avec cette histoire de vaccin. Parce qu'ils en parlent quasiment pas dans la première partie de saison. Et dans la Oh, deuxième si, partie. il fait Oh, tous les tests sur il les fait quand même deux, souris. trois fois Il y a des les essais tests sur avec les les rats et souris, tout. mais c'est au troisième plan. Oui, c'est vrai. Alors que dans le dernier épisode, justement avec Blaine, on l'a constamment. Et c'est ça qui m'a un petit peu dérangé. Peut-être un peu trop de Blaine et il savait pas. Je suis pas sûr qu'il savait vraiment où aller avec ce personnage. Je suis pas sûr qu'ils le savent toujours. Et surtout avec ce qui se passe dans le final. Si, maintenant, ils ont plus ou moins défini une ligne, mais c'est pas la plus intéressante qui Je suis soit, pas quoi. sûr qu'avec ce qui se passe dans le final et qu'il lance la saison 3, il va vraiment être si intéressant Non. et parce qu'il va être en dehors de ça et Est-ce que tu vois un autre défaut, toi, Stéphane, avant qu'on parle de ce final, justement? ouais. Moi, ça serait sur l'écriture du personnage de Drake. Mm-hmm. Drake, c'est le nouveau petit ami de Liv, qui est un zombie et qui travaille aussi... Alors aussi, c'est compliqué. Ouais, alors, qui travaille aussi pour Mr. Boss, mais voilà. Et en fait, ils nous l'ont un peu forcé dans le décor, là. Ils nous l'ont imposé. Ouais. Et j'ai pas trouvé ça très, très naturel. Enfin, c'était pas forcément bien écrit pour le coup. Bon, la relation qu'il a avec Liv, ouais, voilà. Je peux comprendre qu'un. Sympa, mais voilà. C'est un peu précipité, quoi. Bah oui, parce qu'elle tombe amoureuse de lui à cause d'un cerveau qu'elle a mangé. Oui, et c'est surtout que la veille, elle venait de se faire larguer par Major. Donc, voilà, qu'ils ne pouvaient pas coucher ensemble parce que sinon, ils allaient redevenir zombies. Bah, ça, je me rappelle, ouais. Elle passe vite à autre chose, dis donc. Voilà, ouais. C'est ça. Mais c'est vrai qu'elle a été aidée par un cerveau. Elle a été aidée par un cerveau et c'est resté après le départ du cerveau. Mmh. Ils ont voulu vraiment le transformer en un mec sympa. Ouais, et surtout avec un retournement de situation que j'ai toujours du mal à digérer. Ouais. Mais et du coup, je suis d'accord que l'écriture sur le personnage, elle est un peu bancale. Ils ont essayé de faire un triangle amoureux, mais sauf que ça prend pas, quoi. Comme à la fin de saison, on s'en débarrasse facilement. Ah ouais. Parce qu'elle avait aussi un autre amoureux zombie dans la saison 1 et on s'en débarrasse. S'en est débarrassé pour mieux la rapprocher avec Major, et là, ils en font. De même. Bon, alors ce final, justement, là vous en avez parlé plusieurs fois en sous-entendant qu'il se passe des choses assez incroyables et que ça révolutionne la série. Oui, parce que, tout en fermant avec, alors allez-y. Clairement, parce que la saison 3, alors moi j'ai adoré le final, mais en même temps, je l'ai vu quand ça fait 5 jours, et ben je flippe pour la saison 3. Je me dis qu'ils vont changer, à mon avis, énormément de choses. Et iZombie ça risque de plus être la même série. Non, parce que clairement le final rompt au niveau du ton totalement avec le reste de la série. Et je pense que la saison 3 va devenir beaucoup plus feuilletonnante. On a toujours le cas de l'affaire, puisque comme tu disais, elle mange des cerveaux, donc tu es obligé d'avoir un cas de l'affaire. Mais ça va devenir énormément feuilletonnant et les intrigues. Et très politique, à mon avis. Très politique. Et je pense qu'il y a des épisodes où, certes, elle va manger un cerveau parce qu'elle a besoin pour s'en nourrir. Mais l'intrigue, on n'en parlera pas. Il n'y aura pas d'intrigue policière. Je pense qu'il y a des épisodes où il n'y aura aucune intrigue policière. Je sens que ce changement te chagrine un peu, Stéphane. Je me trompe ? Non. Mais non, ça m'angoisse. Ça m'angoisse vraiment. J'aimais beaucoup la série comme elle était. Alors, il y avait des défauts. C'est vrai que les intrigues, ce n'était pas forcément toutes policières. Ce n'était pas forcément toutes très intéressantes. Les nouvelles personnalités compensées généralement, donc c'était bien. Et là, en fait, ils nous laissent dans le flou, vraiment sur ce que va devenir iZombie. Autant des intrigues que du ton, parce que j'ai peur aussi qu'on perde un peu le fun de la série. Voilà, et donc les nouveaux personnages qu'ils introduisent et la nouvelle situation qu'ils introduisent dans les toutes dernières secondes de l'épisode 19, va énormément changer de choses et c'est pour ça. Alors, par contre, je suis très impatient de découvrir le season premier, hein, de la saison 3. Hein. On va pas se mentir. Donc, il y a un gros cliff. Un gros plot twist. Ah oui, carrément même. Que moi, personnellement, j'avais pas vu venir. Hein. Moi non plus. J'ai été voir des réactions sur Internet si des gens là. Parce que j'ai vu le final bien longtemps après. Oui, mais ça, quelques semaines après. La diffusion, donc j'ai pas regardé de. Mais de toute façon, quoi, personne ne parle de iZombie. J'ai l'impression qu'il y a personne qui la regarde. Bah, il y a très peu de gens, non. Et du coup, je sais pas si d'autres ont fait attention à ce. Enfin, avaient deviné le cliff ou pas. Mais c'est vraiment, je n'avais vraiment pas vu ça. Je pensais pas que la série allait dans ce sens-là. Oui, ben, surtout qu'ils éliminent énormément de personnages d'un même. Oui, d'un seul coup. Ils éliminent beaucoup de personnes. En 40 minutes, il se passe énormément. Ouais, il y a énormément de gens qui meurent. En fait, ils ferment, comme on disait, un chapitre et pour en ouvrir un nouveau avec la saison 3 et ce qu'ils nous proposent dans les dernières secondes de l'épisode final. Est-ce que quelque part, c'est pas intelligent quand on connaît les difficultés d'audience de la série et du coup, peut-être le besoin de sang neuf, de changement Oui. Qui se faisait ressentir. Est-ce que c'est pas une façon de repartir du bon pied l'année prochaine et peut-être de refaire venir le public? Je pense pas. Alors, y a une phrase dans le final qui dit à peu près ça parce que. Alors, je m'en souviens plus exactement. Je me suis dit qu'il fallait que je la note, mais j'ai oublié. À un moment donné, ils disent que le public qui regarde, ils font une référence un peu méta. Je trouve qu'ils disent que le public qui les regarde, en fait, ça doit être un public masculin, donc il faut qu'il y ait de l'action. Et c'est ce que pourrait proposer peut-être la saison 3. D'accord. Donc, voilà. Donc ça, il y en a beaucoup dans ce final. Ah oui, mais alors il y en a que, ben comme il y en a vu dans le final de la saison avec le massacre là où ils cutent, c'est que ça a oui. été parti en. Oui, mais là c'est encore. Mais là c'est pire, là hein. c'est là c'est plus catastrophique. Là c'est la des centaines de personnes qui. C'est Game of Thrones version CW là. Hein. Oula, ça fait rêver. Mais en plus avec une violence qui est assez intense quand même. Ouais. Hein. Moi je trouve pour le coup ils ont pris des le moment où c'est que Liv se retrouve avec un pistolet dans les mains et qui est obligé de faire ce qu'elle est obligée de faire. Moi je trouve ça quand même assez violent. Mais non non c'était très très violent. Mais oui il y a du sang partout, il y a des gens qui se bouffent le cerveau. Enfin non c'est quand même assez gore quoi. D'accord. Et ça serait bien. Et on bouffe une célébrité. on bouffe Rob Thomas. Et ouais mais ça serait bien que la série continue sur cette lancée là en fait. Même si c'est angoissant de savoir qu'elle va peut-être aller sur cette nouvelle perspective. On a parlé, enfin, je vous ai parlé des difficultés d'audience de la série. Concrètement, cette série aurait pu s'arrêter avec ce pilote, avec cet épisode final. Bah, si ça, sans les dernières secondes. Oui. Si la série avait été annulée. Ouais, bah alors j'espère qu'ils auraient écrit une fin légèrement différente, parce que sinon. Parce qu'à part les peut-être 10 dernières secondes, oui, dans un sens, ça peut faire. On aurait quand même. Si, on aurait eu des débuts d'intrigue. Ça glamoureux, Peyton, Blaine, ravi. Ouais, ça a lancé des intrigues, mais au niveau même du fil rouge, ça aurait pu se conclure là. Bah oui, surtout. Mais parce qu'il tue énormément de gens et qu'il termine toutes les intrigues qu'il y avait de la saison 1, saison 2. Ils savaient qu'ils avaient peur pour la suite. Mais avec les 10 dernières secondes, non, c'était pas possible qu'elles soient annulées. D'accord. Donc peut-être que ces 10 secondes ont été laissées une fois qu'ils ont su que c'était bon, alors. Peut-être. Peut-être un remontage. Ouais. Mais moi, la citation, il faudrait que je la retrouve, mais ce truc-là où ils disent qu'ils doivent faire de plus d'action maintenant dans la série qu'il faut qu'ils... Et je pense qu'il y a, à mon avis, la CW a dû leur dire, bon, ben les gars, ça serait bien d'essayer de changer de l'ambiance et essayer de se renouveler un peu plus. Pour essayer d'attirer, comme tu disais tout à l'heure, un nouveau public. Mais la série a un public très masculin. C'est bon. Ce qui est assez étonnant quand on regarde ça. Du coup, ils ont peut-être dit, bah, aller à fond là-dedans pour la saison 3. Surtout qu'en plus, Flash aussi a un public très masculin qui est diffusé juste avant aussi. Parce qu'elle était diffusée avec Flash. Donc peut-être que tout ça aussi, la CW a peut-être dit, aller un peu plus. De muscler un peu la série. Ouais. Bah, ça m'étonnerait pas. De toute façon, ça a marché avec The Android. Ça serait pas idiot, quoi. Non, ça serait pas idiot. Et même, ça serait peut-être même salutaire si c'est bien fait, quoi. Ça sera le débat de la saison 3. Ouais, parce que du coup, on a quand même eu de grosses craintes là. Il va falloir. C'est aussi pour ça que, j'avais un peu arrêté à mi-saison, parce que je me disais, oui, effectivement, il y a un très bon accueil critique. A priori, tout ce que je lis ou entends sur la série, c'est bon, mais personne regarde. Et du coup, je me disais un peu à quoi ça sert de t'investir sur un truc qui, en plus, est en dents de scie, qui est au niveau de l'intérêt, si dans 3 mois, c'est fini, quoi. Je pense qu'il y a dû avoir beaucoup de... Ils doivent beaucoup regarder en replay, ils doivent bien se vendre à l'international... Elle est diffusante, bah oui, France 4. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi beaucoup de. Comme tu dis, il y a beaucoup de critiques très positives sur la série et je pense que pour la CW, qui a un besoin de reconnaissance énorme. Arrêtez, il y a Ginger Virgin et Kazakhzur. Bah maintenant, oui, justement. Et Flash et Riverdale l'année prochaine. Non, reconnaissance, vraiment, c'est Ginger Virgin et Kazakhzur, enfin, avec les prix. Quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. La série a besoin de reconnaissance critique. Et les prix vont dans ce sens-là, puisque Jane the Virgin et Chris Griffin ont reçu des Golden Globes, ce qui est la première fois pour la CW. Non, enfin la deuxième, parce que cette année, c'était la deuxième. Oui, enfin, vous m'avez compris. Mais avant Jane the Virgin, c'était jamais arrivé qu'elle reçoive un Golden Globe. Et du coup, même si les audiences de ces deux séries sont catastrophiques, voire peut-être même pire que iZombie. Oui, non, mais clairement pire même. Oui. Elle a tellement besoin, la CW a besoin de reconnaissance, et comme elle prend un chemin artistique qui va dans le bon sens. Avec, merci Pedowitz. C'est ça, avec The 100, iZombie et tout ça, que malgré les mauvaises audiences, elle peut se permettre de peut-être renouveler Crazy Ex-Girlfriend, iZombie, tout ça. Ouais, mais Rain, c'est pour des questions de vente internationale. Mais puis en plus, comme à côté, elle a aussi plein d'autres séries comme Flash qui fonctionnent et qui permettent de rentabiliser les autres échecs d'audience. Peut-être qu'elle peut se permettre de renouveler ces autres séries-là. Ouais. Comme il y a une nouvelle Halt and Catch Fire qui fait des audiences misérables, mais à côté de ça, t'as The Walking Dead qui te fait plus de 10 millions et qui permet de récupérer. Après, c'est bien aussi si c'est grand succès. Enfin, Walking Dead et Flash sont pas comparables, mais à l'échelle des chaînes, ils le sont. Si ces succès-là leur permettent de continuer à financer des choses un peu diverses, un peu en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir, tant mieux. Ah oui. Surtout que ça marche en reconnaissance critique. Ouais. Et puis, comme ils vont avoir un deuxième succès à la rentrée, ça permettra de continuer. Tu parles de quel succès ? Pas de Riverdale, évidemment. Ah bah oui, forcément. Celui qui voulait mettre derrière Jane the Virgin, c'est ça ? La grille ? Ah non, j'ai jamais dit. Qui c'est Arnaud, j'ai balancé la grille d'Arnaud. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, moi, je veux que ce soit la même soirée que Flash, mais bon. Moi, je croyais que c'était fantastique. Alors, ça me semblait logique qu'il le mette derrière Flash. Il y a une histoire de meurtre. Non, c'est pas fantastique, c'est très teen soap. Enfin, tu verras, teen drama. Une histoire de meurtre, quand même. Il y a un meurtre, effectivement, mais voilà, il n'y a pas de fantastique. Je sais pas où c'est qu'ils vont arriver à le caser, mais bon, ça, c'est une autre... Et d'ailleurs, en revenant sur la violence de la série, c'est pour ça que je comprends pas ce que va venir foutre Supergirl sur la CW. Je trouve que ça va faire tâche, au final, même. Hein. Avec que ce soit la noirceur de... Alors, une noirceur, entre guillemets, hein, de Flash, de... Bah, alors, de Arrow, de High Zombie aussi. Je trouve que Supergirl va faire largement de tâches. Après, on ne sait pas quels événements vont être introduits dans la série pour peut-être conduire à un changement qui explique le changement de scène et donc de chaîne et donc de budget et compagnie. Peut-être qu'il va arriver un drame dans le season première et que du coup, on va basculer dans quelque chose. Oui, mais ça serait violent quand même entre saison 1 qui est tout censée être légère et moi je vois. Bah, légère, mais qui, enfin, on en parlera dans le bilan, c'est pas maintenant. Oui, mais qu'il y a des petites nuances parfois quand même de sombre et on sent qu'elle peut basculer à tout moment, quoi. Vous en parlez avec Mélissa Benoît, c'est pas crédible. Non, oui, pour le coup, j'avais. Maman! Ouais. Rigole encore du final. Hein. Est-ce que vous avez encore une chose à dire sur iZombie avant que l'on ne se quitte? Regardez iZombie! Vous serez là la saison prochaine pour la suivre, de toute façon. Vous ah bah clairement, vous remplir avec impatience, quoi. Moi, je dis la mi-saison. Tu penses à la mi-saison ? Je sais pas. Ouais. Mais alors, par contre, je leur demanderai de réduire la commande d'épisodes. Oui. 19, c'est un peu beaucoup. C'était bien l'année dernière quand il n'y avait pas beaucoup. Bah, 13, voilà. 13, 15, c'est pas mal. Ah bon, l'année dernière, les premiers épisodes n'étaient pas top, mais bon, ça c'était normal, le temps de se mettre en place. Oui. Mais moi. Ouais, 13, 15, c'est pas mal. Comme The 100, quoi. Une commande plus réduite, moi, ça m'irait très bien. Ça les éviterait de s'éparpiller. De toute façon, elle va être obligée, elle a trop de séries. C'est vrai, ce que je veux dire, vu le nombre de séries et le nombre de cases, il va falloir y réfléchir à un moment pour plusieurs séries. Il y a 10 cases de diffusion et 15 séries. Donc, ouais. À un moment, Flash. De toute façon, il y en a qui vont mettre l'été. Ils vont... Flash, c'est sûr que il y aura 22. Arrow aussi. Jane, je pense qu'il y en aura 22 aussi. Et le reste, ce sera des à mon avis, Crazy, il y en aura que 13. 13. Riverdale, je mise sur un peu plus que 13, mais pas une saison complète. Riverdale, c'est une saison complète, tu verras. Mais vous êtes sûr que ça va marcher, Riverdale? Ah, J'en suis persuadé. Sauf s'ils se foirent et ils mettent un jour de merde, mais sinon... Voilà, la case va jouer pour beaucoup, mais je suis persuadé que cette série va être le teen drama qu'on attend depuis quelques années. S'ils veulent l'avancer, forcément... Mais ça va ressembler à du Veronica Mars ou... Pas du tout. C'est plus dans le ton... Je saurais même pas comment te le présenter, quoi. C'est vraiment... C'est comme si... Enfin, je sais pas quel... J'ai lu comme des gens la rapprochaient de Dawson. Mais un Dawson moderne. Je la rapprocherai peut-être plus de Z aussi. Ah ouais, vous me donnez vraiment pas envie de regarder en fait. Moi je dirais, c'est comme si Z aussi, se réveillait et rencontrait l'année 2016, quoi. Donc, enfin voilà, c'est. Il y a une vraie modernité dans cet univers-là et dans ce qui. Z aussi, ça a l'air plus sombre que. Oui, c'est plus sombre aussi. Archie peut avoir des côtés sombres et c'est un peu ce qui ressort vis-à-vis des infos concernant le script et compagnie que c'est plus sombre que ce qu'on croit. Okay. Moi, je vais prier pour que ça ressemble à du Véronica Mars, hein, si vous ne voulez pas. Prie pour ce que tu veux, de toute façon, ça sera génial. Et puis c'est tout. Aucune objectivité concernant ce projet. Bien, alors, donc dans une semaine, on se retrouve pour parler du dernier film production de la Fox, X-Men Apocalypse, et puis après, on reprendra nos bilans de saison, en commençant par Supergirl, et puis après, on enchaînera avec The Flash, Legends of Tomorrow, Arrow, Agents of S.H.I.E.L.D., Gotham, et toutes ces merveilles. Merveilles et Gotham, ça c'est pas lié, hein, c'est juste... Oui, c'est un peu bizarre, la transition. C'est une transition, quoi, c'est tout, hein. Bien, Stéphane, merci. Eh bien, merci à vous de m'avoir accueilli. Hein. Donc, on rappelle, les plumes asthmatiques, notamment. Arnaud, à l'année prochaine pour X-Men Apocalypse, dont tu brûles d'envie de nous parler depuis que tu l'as vu, je le sais. C'est ça. Et puis pour tout le monde, bonne série, bon film si vous allez voir X-Men. Donnez-nous votre avis sur le film, redac@comicstories.fr, sur Twitter, sur Facebook, comme d'habitude. Venez donner votre note au film aussi, on mettra une petite question de la semaine dans la colonne de droite sur le site. Donc venez cliquer et donner votre avis. On parlera de tout ça donc la semaine prochaine. À bientôt. Salut.